Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Un air lourd, électrique, plane sur Arkham City. Tout le monde s'en doute, sans vraiment en avoir la certitude, mais l'ère de la paix rosée, en place depuis 2018, va être ébranlée. Au point même où elle pourrait bien voler en éclats. Mettant peut-être le feu à toute la ville, qui sait. Dans ces conditions, vous avez fait vos choix. Quelques-uns seront encore à faire, certains imprévus. À ce sujet, certains d'entre vous seront sûrement plus friands d'une optique défensive, avec le renforcement de vos acquis, l'assurance de votre contrôle sur le quartier, tandis que d'autres préféreront sûrement l'agressivité, en préparant ouvertement la guerre avec les autres seigneurs du crime du quartier, chefs d'opposition à The Whale. Alors que Milo et les gangs slaves qu'il représente préparent une suite d'opérations choc pour récupérer une partie du territoire irlandais et la totalité des zones ukrainiennes, vous avez encore à faire valoir votre valeur, à faire valoir votre autorité et exiger peut-être le respect. L'entreprise est-elle trop aventureuse pour votre envergure? L'avenir nous le dira sûrement. The Whale, Black Mask, Milo, l'un d'entre vous, qui sera donc à l'origine de votre chute aux portes du succès? Comme toujours, dans l'arrière-salle du Hour Alibi, je vous laisse la parole. Bon, visiblement, j'en ai raté des choses. Yeah, c'est passé beaucoup. Ah, désolé de l'absence, j'ai eu un petit souci avec mon psy. Ah lui voulait le problème? Lui exige argent? Lui mettait la gueule, ses problèmes? Non, il m'a conseillé. C'est le principe d'une thérapie, après tout. Enfin bon. Désormais, je suis de retour. Et ce, pour de bon. Ah, ça se fait. Je dis tournée générale. Décidément, le quartier a jamais été aussi propre. Ça m'a fait tout drôle lorsque je suis repassé dans ces rues tout à l'heure. Non, on a fait un petit peu de ménage, c'est vrai. Bon, il reste encore du boulot, mais c'est déjà ça. Bientôt, grand ménage de printemps. J'aime entendre ça. Bon, bah faut croire que une fois qu'on aura trinqué à ton retour, on va avoir du pain sur la planche. Va falloir se mettre d'accord sur quoi on commence. Black Mask. Si jamais on va bien répondre à son invitation, il va falloir assurer nos arrières. Je pense, oui. Est-ce qu'on essaie de contacter des gars, un tireur d'élite, quelque chose? Non. Je pense pas à ça, le genre de cette personne. voulu nous tuer. Parce que c'est lui, j'ai bien compris, c'est lui est tellement puissant. Il peut nous faire tuer quand il veut. Alors je vois des possibilités. Il veut juste nous, comment dire, d'abord utiliser intimidation, ou bien alors il veut qu'on travaille pour lui, peut-être. Pas faux. J'y crois pas une seule seconde. Ah bon? Tu penses quoi? Je pense... mais cela n'est que mon avis, mais je pense qu'il serait très intéressant qu'on continue à le titiller, mais ça c'est... visiblement pas l'avis général. Donc en gros, on le laisserait mariner, on n'irait pas le voir, et si jamais il nous tombe sur le... sur le rable, on fait quoi? Ouais, moi je préfère, je trouve ça dangereux. Je préfère qu'on aille le voir. C'est justement ce qui m'intéresse. Mais... ben voilà. Oui, oui, allons le voir, allons le voir. Ouais, ouais. Faut pas faire attendre les choses. Mais sinon, non, dans mon esprit, je voulais pas le faire attendre. Je voulais plutôt l'embêter de nouveau. Dis en plus ? Dis-je en reprenant une gorgée de mon verre. Oh, j'ai pas vraiment d'idée, mais juste visiblement, on l'a assez embêté pour qu'il vienne nous demander une rencontre. Moi, j'ai très envie de voir ce qui se passe si on continue de l'embêter. Surtout qu'il n'a aucune idée de qui était Black Mask. Moi, je trouve ça rigolo. Vous pensez qu'il nous a pas grillé ? C'est pas justement pour ça qu'il nous donne rendez-vous ? Bah, il faudrait alors, que... ah oui, mais bon, faut pas, pas le sous-estimer non plus. Je pense que s'il nous aurait grillé, ça ferait un moment qu'il y aurait des mecs qui auraient toqué à la porte du Power League. Là, il a... la seule façon qu'il a trouvé de moyen pour nous contacter, c'est recombrioler son musée pour laisser un message en disant que... bon, il ne rendait jamais et qu'il voulait nous voir. Oui, mais qu'il nous a bien fait savoir que soit on allait le voir, soit il venait nous voir. Ah. Donc si, quand tu dis « je peux aussi venir vous voir », c'est que, entre guillemets, tu sais où on est. Sauf quand bien même. Sauf si bluff, et quand bien même, si on est assez fort pour que ce soit lui qui doit se déplacer. Il y a quelque chose d'un peu... moi, je suis d'accord avec Nicolas. Moi, je suis d'accord avec ma colo, quand même. On peut pas le faire mariner, à lui. Alors, toi aussi, JB, t'es d'accord avec Yasmine? Bah oui. Ah oui, c'est évident. Bah oui. Ah, elle m'a dit qu'elle allait faire le ménage ce soir, donc du coup, moi, je dis oui. Ah, donc tu marches à la petite carotte, quoi. Ouais, attends, tous les jours, c'est moi qui le fais. Non, et après... les triades, faisaient attendre tout le monde. Donc pourquoi pas les faire attendre? Ça montrerait qu'on... ouais, mais attention, elle a pas dit faire attendre, elle a dit titiller. C'est pas pareil. Oui, mais je tiens à dire que ça rajoute en plus de ça un peu de... d'intérêt, parce que si on s'y rend immédiatement, ça montre bien que c'est nous qui avons peur de lui, finalement. Si on cède directement à la première menace... bon, bah autant admettre tout de suite qu'on est hyper faible et que la moindre, peut-être, intimidation de sa part marchera sur nous. C'est ouais, pas faux. Je propose qu'on lui envoie un mail. Mais là, pas un mail. Il faut voir Israël, je pense. Contactons Israël. Israël va nous aider. On va proposer un nouveau rendez-vous. Attends, tu parles du pays ou tu parles de ton gars? Celui qui nous a... la mère. Israël Zimmerman, le mec du Flugelheim. Mais moi, je tiens à dire, on peut lui envoyer un mail en lui disant, bah, venez chez nous. Si tu as une adresse mail, toi? Blackmask.com. Oh, bah, j'ai même pas le com. Non, je pense pas que t'es. Voilà. Le seul contact qu'on a réellement avec le Black Mask, c'est le gars du musée. C'est tout. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Il y a que lui qu'on peut contacter pour mettre en contact avec le Black Mask. Ou alors, il faut faire comme l'a amené. Notre très chère Yasmine, un coup avec encore une fois les Black Mask, et cette fois-ci on laisse un message à l'attention du Black Mask en disant message reçu, on se revoit dans pas longtemps. Là tu me plais, là pis, là tu me plais. Non, si, c'est ma foi fort intéressant et ça montre bien que ici c'est nous qui avons les couilles posées sur la table et pas lui. Mais non, justement, pour faire un bon business, justement, et pas foutre en l'air la discussion, je sais qu'il faut aller à la table, certes, mais du coup, enfin, voilà, il faut aller à la table. Et il faut pas... On veut pas faire de business avec lui, montrer, on veut le faire couler, ce mec, hein. Il faut montrer... Notre but, hein, le banquier nous a donné de l'argent pour qu'on le fasse couler, hein. Non, il n'y a pas de business avec lui. Hein. Rappelle-toi d'où vient l'argent qu'on a eu pour lancer tout ça. Il vient d'un mec qui est arrivé qui a dit « Je veux que vous preniez Gotham et vous fassiez chuter tous les mecs qui me doivent de l'argent. » C'est pas faux. Désolé, ça va être de folie. Parce que... Oui, je suis Dans ce cas, pourquoi t'es là? Si c'est de la folie, pourquoi t'es là? C'est le but. Marco qui dit c'est de la folie, alors j'aurais tout entendu. Attendez. Moi j'ai dit juste il faut calmer parce que là, il faut certes montrer muscle, mais il faut pas montrer provocation. C'est tout ce que j'ai dit. Et il faut dire nous voulons rendez-vous. Non, mais si je te mets à genoux devant le Black Mask, mets-toi à genoux, il n'y a pas de souci. Je te laisse, tu sais quoi? On fait le plan du. Vas-y, prends ton suicide, vas-y! Vas-y, tu peux mourir, hein. Tu peux prendre le pistolet, ça ira plus vite. Certes, mais moi, au moins, j'aurais tenté, et si ça se prouve, la chute de Black Mask, ça sera grâce à moi. Toi, de ton côté, si tu veux, tu peux faire le plan de te mettre de côté pour Milo, etc., et tu vas aller sucer Black Mask, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai envie qu'on le fasse chier. Calmez-vous. C'est vous. Calmez-vous. Vous ne regardez même pas qui c'est. C'est ça le problème. Aujourd'hui, lui peut être la vérité. Lui peut être grand criminel, je sais pas quoi. Ça peut être... Lui être... Je pense que... Enfin, tu vois, lui, c'est plus la criminelle comme nous qui font voir les dealers. C'est être... col blanc, tu vois ce que je veux dire. C'est pas les braquages, c'est pas la drogue qui l'intéresse, lui. C'est détournement argent public. Et franchement, ce genre de personne, être ami sénateur, maire... Président, toi vouloir, enfin tu vois ce que je veux dire. Moi je veux pas, parce que lui c'est pas ces hommes de main qui nous envoient, c'est police, c'est FBI, c'est net. Et ça j'ai pas envie de voir ça, parce que donc. Non, le seul qui peut vous l'emmener tout ça c'est moi, mais pas les autres. Oui. Non, après on peut trouver un compromis. J'ai l'impression que ce groupe est un groupe de compromis. On est d'accord. C'est comme ça, on avait pris 5 personnes au pif et qu'on les avait mis ensemble. Voilà, donc en gros, c'est... On est d'accord qu'au final, on aura une rencontre avec le Black Mask. Puisque... Mais on voudrait se rencontrer de la manière dont Yasmine dit les choses, c'est entre mes quasiment d'égal à égal. Ça veut dire que le Harolubi viendra en position de... Ne viendra pas en position d'infériorité face au Black Mask. Genre, on est puissant, enfin, du moins, on va le devenir, mais aujourd'hui, on va faire dans l'idée qu'on est déjà puissant et que quand on fera face au Black Mask, ce sera nous et pas juste le subalterne tout caca qui vient dire qui va frotter les pompes du Black Mask. C'est tout. Donc, oui? Non, vas-y, enfin, juste, il y a un point dont j'aimerais discuter aussi qui me paraît quand même assez important dans toute cette histoire. Quand il dit qu'il va venir jusqu'à nous, on a la preuve qu'il sait qui on est, parce qu'a priori, qu'est-ce qui pourrait le... Aucune! aucune preuve qui sait qui on est. Pour moi, c'est... Alors, peut-être qu'il y a allez, un pourcentage de chance, mais c'est sûrement du bluff. C'est sûrement juste un mec avec un ego hyper fragile qui a été blessé, qui fait « ouin ouin, on a utilisé mon nom ». Donc voilà, il faut en profiter, il faut le titiller. À quel moment il aurait trouvé nos visages ? À quel moment il aurait pu voir nos visages ? On a toujours été masqués. Est-ce que quelqu'un ici a été vu à montrer son visage à un des hommes du Black Mask ? Il y a qu'une piste, il y a qu'une piste, c'est qu'il soit passé par. T'as trop bu. Il y a qu'une piste. Ok. Il y a qu'une piste pour moi qui est possible, c'est qu'il soit remonté par l'adjoint au maire. Mais l'adjoint au maire, de souvenir, avait fait en sorte qu'on n'ait pas révélé véritablement nos identités. C'est-à-dire qu'il détourne de l'argent pour nous, mais normalement, il détourne pour les Black Mask, pas pour le Hour Alibi. Voilà. Normalement, on est d'accord, j'aimerais une validation de la voix divine qui nous entend. Normalement, c'est ce qu'on avait, on s'était mis d'accord là-dessus. Oui, c'est voix vrai. Voix divine. C'est vrai. Donc, même cette piste-là, normalement, il ne peut pas l'utiliser. Parce que normalement, Black Mask, enfin, les Black Mask et nous, normalement, c'est deux mondes totalement différents. Donc, à partir de là, il va chercher qui les Black Mask. Ils n'existent pas vraiment. Il va aller fusiller tous les gens qui ont je ne sais pas qui. Donc à partir de là, moi je suis désolé, mais... Il a peut-être un hacker aussi, Black Mask. Sur certains points, tu as raison. Si jamais il connaît l'identité, pour moi, c'est forcément Israël. Je savais pas que le Ruskov, il avait peur d'un mec. À la base, c'était lui qui avait j'ai les armes, pas nous. Mais je sais très bien que... Est-ce que tu as déjà le Tsun Tzu? Ils font l'art de la guerre en PDF maintenant. Traduit en yougovien. En yougovien. La légende raconte qu'il a été écrit en yougovien. C'est Tsun Tzu pour les nuls. Ouais, tout, ouais. Mais ça va être une grande tragédie nationale de perdre le On nous a volé le Tsun Tzu. Ouais. Mais, non, après, honnêtement, j'avoue que pour avoir un peu plus écouté ce que nous propose Yasmine, ça peut être intéressant de, une nouvelle fois, montrer qu'on n'est pas à la botte du Black Mask et qu'on a de quoi lui répondre et que, sans pour autant être agressif, on fait un dernier coup avec les Black Mask en lui répondant « Voilà, message reçu, on se contacte sous peu. » Voilà, et après... Black Mask. Oui, ah bah oui, avec le Black Mask. Parce que comme ça, il saura que c'est pour lui. D'accord, on lui donne un rendez-vous. Et c'est nous qui arrivons, qui disons « Voilà, c'est lui qui va venir à nous, etc. » Il aura ce qu'il voudra, si vous voulez. Bon, moi, j'aurai... Personnellement, j'aurais aimé le titiller encore plus, mais je conçois qu'après ça devient au-delà du raisonnable. Pour le bien du groupe, je veux bien admettre que déjà rien qu'une fois, ça me fera déjà super plaisir. Tu n'auras pas ISP, on n'est pas dans notre appartement, donc tu peux pas faire la même chose à Black Mask. Moi, je vous propose de faire ça. Je ferai la même chose à Black Mask. Je vous propose de faire ça, le rendez-vous, une fois qu'on aura réussi à voler le Diamond Exchange. Parce que là, on aura du cash. En masse, on va se faire une armée avec tout ça et on sera équipé pour si jamais il doit y avoir du fight, on aura de quoi répondre. Il y a qui est au courant pour le diamond? Pour l'instant, que nous et certains de nos hommes qui. Sinon, c'est là qu'on lui laisse le message. Comme ça. Oh. J'étais en train de penser à la même chose. Laisser le message quand? Le message au moment du vol. Oui, dans le Diamond Exchange. On fait le cash, exactement, on fait le cash du Diamond Exchange en tant que Black Mask et on laisse le message là. Oui. Ah oui, totalement. C'est pour ça que je vous disais ça. Et on lui donne rendez-vous. On lui donne rendez-vous au Levy. Non. Non. Raison. Faire tatouer un Batman par notre jeune fille là. Tout cet effort pour pas qu'il sache qui on est pour lui donner rendez-vous à Libye. Non, mais on fait ça comme ça, on a de la thune avec le diamant. Et on fait un rendez-vous. Et entre-temps, on s'est fait une armée. On est blindé d'armes et tout ça. Et comme ça, s'il faut répondre, on peut répondre tout de suite. Si après, il veut faire du business, il n'y a pas de souci. Mais d'égal à égal. Mais de toute façon, il va. Je crois pas vraiment qu'il a envie de faire du business, hein, parce que pour moi, il a vraiment un ego blessé. Et monsieur n'aime pas visiblement qu'on soit là. Ça m'étonnerait qu'il se dise oh bah tiens, j'ai envie de travailler avec vous. Bon, on verra bien à ce moment-là, mais voilà. Si jamais il propose, pourquoi pas, le temps qu'on s'organise, après on lui pètera la gueule. De toute façon, il faut qu'on pète la gueule à tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que sur ce point-là, tu as raison, c'est vrai. Mais bon, il faut certains hommes savent dépasser les clivages. Mais c'est vrai que plus tu es puissant, plus tu as orgueil, tu as raison. Oui, mais s'il voit qu'on est puissant aussi, il va pas juste faire du frontal. Il va d'abord nous jauger un petit peu et voir... C'est ça, en fait... Il faut qu'il... Parce que là, pour l'instant, il peut nous prendre pour un petit groupe qui pourra flinguer assez facilement. Mais à partir du moment où on va pouvoir inverser un peu le rapport de domination et faire comprendre que s'il engage quelque chose, on s'engage dans une lutte armée qui pourra faire mal et qui va sûrement mettre fin à la paix entre les gangs depuis un bon petit moment, je pense que ça peut le faire relativiser certaines actions. Par contre, on se met d'accord tout de suite. Si jamais on le rencontre et qu'il se fout de notre gueule pour le casse de la dernière fois, et des tableaux qu'on a pris, on lui répond que c'était parce qu'on voulait lui montrer qu'on avait le pouvoir de prendre les autres, mais qu'on se foutait de leur valeur. Ouais. Et tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est notre ligne de conduite, c'est qu'on l'a fait juste pour montrer qu'on en était capable. Le reste, on n'en a rien à faire. En réalité, c'était histoire. Même pas capable. Ça s'est fait sur évidemment. Nous, l'argent, on en a pas besoin. L'idée, c'est qu'on soit puissant et qu'on a de l'argent. Oui, non, mais ça, c'est la version officielle. Mais en vrai, c'est pas ce qui s'est passé. Mais non. Tu sais, je viens d'un pays où, à partir du moment où tu répètes les choses, elles deviennent vraies. D'accord, alors, moi, okay. Mais on n'est pas dans ton pays, on est aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, voilà. Bon, après, voilà, ça c'est dit, on est d'accord là-dessus, passons à la suite. Milo. Bon, Milo, puisque c'est... Eh bien, non, Milo, on a le plan de... Oui, mais on va poser les choses, pour notre petite Ruby. Je veux bien donner gage, effectivement. L'un d'entre vous, ça peut être du coup Jean-Baptiste... ça peut être toi, du coup, Yasmine, ça peut être toi, Ruby, mais vous pouvez venir avec moi si vous voulez. Moi, je veux bien venir. J'aimerais discuter avec Milo. Bah, par contre, tout le monde... Après, il ne faudrait pas qu'on soit... Ça peut être moulin. On peut y aller à trois. Business sérieux. Non. Il ne faut pas... Dans ce genre de rendez-vous, déjà... Venir à deux contre un, ça fait un peu, faut pas venir en force, il faut venir à égal. Déjà, j'accepte de venir à deux. Dans ce cas-là, je propose moi parce que déjà, j'ai un joli sens de la verve, je trouve, quand je m'y mets. Et ensuite, parce que peut-être qu'une femme lui fera un peu moins peur, à tous les coups, il est un peu macho et tout ira bien. Par contre, n'hésite, ça c'est mon avis, je pense que Marco, tu ne dois pas parler. Tu dois laisser... Yasmine parlait pour bien montrer et que le Our Alibi c'est tout le monde et pas toi tout seul, et que du coup Yasmine va devoir montrer que ils doivent nous respecter. On a un business, on a un quartier et que on va faire business ensemble, mais c'est le Our Alibi qui fait le business, c'est pas Marco. Voilà, c'est tout. Très bien. Écoutez, si c'est déjà fait là-dessus, dans ce cas-là, on peut déjà partir là-dessus. Et puis nous, avec JB et Ruby, on va peut-être commencer un petit peu à s'atteler sur le Diamond Exchange ou d'autres petits trucs Moi, je vous propose que j'aille visiter 2 minutes le Daimon, voir quel système. Alors, je sais pas si tu peux vraiment visiter Daimon XS, t'es pas dans un musée. Oui, vous pouvez pas visiter, vous vous laissez aller que dans la partie client, hein, pas là où ils gardent tout le truc. Bonjour, j'aimerais bien visiter les diamants, s'il vous plaît. J'aimerais préciser que toutes les informations sur le Daimon XS, je vous les ai déjà données. À l'oral et par écrit dans votre partie note collective. C'est-à-dire que c'est à comprendre qu'entre deux sessions, vous avez déjà été faire des tours pour savoir ce qu'il va se passer. Voilà. Ouais, donc en gros, là, on peut planifier en gros comment on va s'occuper du Diamond Exchange avec les plans, avec les caméras, les machins, tout ça. Là, on peut vraiment le planifier. On a tout pour planifier le plan finalement. Et ce qu'il nous faut. Le matos qu'on va avoir besoin, et tout ça, tout ça. Oui. Ok. Voilà, pour répéter un peu tout ce qu'il y a, il y a des rondes de garde qui sont donc de 2 gardes à chaque fois, sauf que c'est plus professionnel, on va dire, que pour le musée. Ils passent plus souvent. Les caméras de sécurité, vous êtes au courant que de celles que vous avez vues dans la partie, du coup, qui est réservée aux clients. Mm-hmm. Le système de sécurité informatique et tout ça, vous savez que c'est du haut niveau de la société informatique qui fait les meilleurs trucs qui existent à Gotham. Donc on va dire que c'est pas rien, même pour JB c'est pas rien. Honnêtement, j'ai un truc là qui me vient en tête, quand ce sera notre moment de parler du plan, je vous en parlerai. Du coup, je sais pas par quoi tu veux commencer, si tu veux aller voir Milo, si tu veux les envoyer voir Milo ou pas. On va commencer avec ceux qui partent vers Milo. Donc, si j'ai bien compris, c'est Marco et Yasmine. Oui. Mais ouais. Peut-être on peut faire un petit détour. Mm-hmm. Oui, ok. Oui, dis-moi. J'ai besoin de passer appartement. Tu veux venir Mais bien sûr. Mais bien sûr, Sois pas jaloux, t'en fais pas. On est dans appartement. Rendez-vous dangereux. Je vais te sortir un bazooka, tu vas rien comprendre. Eh bien, oui, bah, vous pouvez passer à l'appartement si vous voulez, pas de soucis. Ça va? Oui, ça va. Écoute, moi je veux être clair. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, toi, vous, quoi? Exigence. Chercher Black Mask? Vraiment, là, pour l'instant, moi, je suis sur... On était là-dessus, genre, de toute façon, quand on en a discuté. Moi, je suis sur le plan de... Il faut qu'on fasse chier Black Mask un maximum afin de prouver que c'est nous qui avons le dessus sur lui et pas l'inverse. Ok. Donc ça, pour l'instant, t'as suivi. Oui, oui, je suis. Très bien. Ok. Et dans ce cas, moi, je te demande, qu'est-ce que toi, tu veux? Écoute. Moi, je vois... Malheureusement, mes frères sont tombés dans un... Comment dire, bien bas niveau. Plus savoir avec qui traîner, qui travailler, qui faire chose. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. C'est pourquoi j'ai besoin... de devenir le chef, le Vojd. Et donc, j'ai besoin pour ça de devenir membre à part entière du gang. Mais le plan de Pi ne t'allait pas? Non, lui vouloir contrôle, je sais pas quoi, non mais... Lui voir agir et tout. Non, mais c'est pas ça. Si jamais il veut agir comme ça, ça va pas marcher. Moi, mon plan, il est très simple. Je prends contrôle de la petite quartier stratégique au nord de notre quartier. Avec nos hommes. Et officiellement, nous devenions la famille Igovienne de la grande famille de gangs slaves unis. Ok? Nous allions ensuite pour attaquer The Well. Ce faisant, nous détruisons la menace pour nous, parce que nous, avoir ennemi à Gotham, un seul. c'est The Well. Qui d'autre? C'est lui qui contrôle l'Américain qui font drogue? C'est lui qui contrôle l'Ukrainien qui veut nous empêcher de faire mon business de trafic? Et de l'autre côté, il y a les Irlandais. On est entouré par eux. Donc, mon objectif, à terme, court terme, détruire The Well sur Arkham et ensuite prendre le contrôle de la coopération des Gunslaves. Nous avons le même objectif. Moi, la seule peur, Marco, c'est que... comme on avait dit, on avait besoin que la Walibi garde ce côté neutre. C'était d'où le plan de Pi, de te faire passer pour officiellement quittant le Walibi et tu pouvant les utilisant nos hommes, finalement, pour pouvoir aider... Ça, c'est mon plan. Il l'a repris aussi, mais... Ah oui, donc c'est tout. Mais ce plan-là, moi, est-ce que ce plan-là... Moi, le plan de dire que tu quittes la Walibi, tu rejoins, du coup, les gars... Enfin, tu vas aider Milo avec nos gars, mais officiellement en faisant agent seul. Voilà. Ce plan-là te va? Oui. Mais il me va aussi. En fait, le problème, c'est que lui, tu vois, lui comprendre, je crois, pays que Milo est un partenaire longue durée. Mais parce que c'est comme ça que j'ai présenté. Mais il n'y a pas beaucoup de partenaires longue durée dans Coopération Gangslab, si tu vois ce que je veux dire. Donc, il y aura moi. Et ce sera tout. Oui, ça, j'ai compris que tu vas prendre vraiment... j'ai compris que tu vas vraiment prendre, pour le coup, le pouvoir des Gangslaves. Ça, je l'ai compris. Honnêtement, je te soutiens à 100% là-dedans. Ce sera très intéressant pour l'avenir. Mais du coup, sur là, maintenant, dans l'immédiateté, dans notre compte avec Milo, qu'est-ce que cela change par rapport au plan initial? Ce que ça change, c'est qu'on ne va pas dire à Milo cette histoire de traiter business égal et dire qu'on fait partie toujours de tout ça. Non, non. Lui croire soumission complète et totale de moi. Enfin, soumission. Officiellement, moi devenir partenaire, moi devenir égo. Donc, officiellement pour lui, lui et les hommes avec lesquels je pars, ils vont être plus membres du gang. Dans les faits, j'ai dit, c'est pas le cas. Et puis, si jamais il y a problème, ce genre de choses et tout, je dirais juste que si jamais il dit, mais pourquoi traîner toujours un peu dans le quartier avec vous, tout ça, je dirais, mais parce que moi, j'essaye de prendre le contrôle ou truc comme ça. Milo, il veut moi parce qu'il comprend mes compétences sur le point. Tu vois ce que je veux dire? Il a compris ce que je peux lui apporter. Mais à part ça, il sera pas regardant. J'ai besoin d'un éclaircissement, parce que là, du coup, je vois pas la différence avec le plan initial. Qu'est-ce que tu changes concrètement? Tu t'annonces toujours, du coup, comme étant agent libre, ou pas? Non, je m'annonce comme membre du gang slam auprès de lui. Ok. Et ta relation vis-à-vis de Aor Libi, du coup? Ah, je ferai toujours partie en vrai. Nous oui, famille. Non, mais c'est évidemment, en vrai. Mais qu'est-ce qu'on... du coup, c'est ma question, c'est qu'est-ce qu'on dit à Milo? Oui. Alors, on dit que c'est toujours le plan. C'est on dit qu'on quitte... Tu quittes la Libye. Et que du coup, c'est toi qui... tu fais partie du gang slave. Et c'est toi qui vas gérer tout ça. C'est ça le truc. Oui. Voilà. Ça te va? C'est... Alors pour moi, c'est le plan tel qu'il était prévu, mais il me va du coup parfaitement. Ensuite, pour moi, l'idée, c'est que du coup, le Harlibi reste neutre, mais que toi, tu vas bien pouvoir prendre tout le pouvoir que tu veux. C'est parfait. Eh bien, parfait. Hein. Eh bien, écoute, je te propose de se diriger vers, le Kremlin Club. Toi, donc... Si tu veux l'histoire de toi parler tout seul, je suis pas là pour t'interdire de parler, hein, mais juste Même si tu veux, tu pourrais rester ici, ou tu vois ce que je veux dire. Je peux faire tout seul, ou tu peux venir. Moi, ça m'est égal. Tu peux dire, ça peut être convaincant, dire juste maintenant on n'est plus en business et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. Comme tu veux. Non, je pense venir et faire un peu le rôle. Enfin, faire un peu le rôle. De juste être l'annonciatrice officielle, hein, que du coup ce n'est pas officiellement la Libby qui traite avec Milo, et je te laisse gérer cette histoire que tu rejoins le conclave et que tu t'occupes du coup des transactions, ce genre de choses. C'est parfait. Après, donc vous êtes mis à jour sur quelle serait votre stratégie. Vous décidez, vous vous mettez en route vers le Kremlin Club, où vous avez donc votre rencontre avec Milo de planifier. Vous arrivez donc tous les deux devant le Kremlin Club. Aujourd'hui, au Kremlin Club, il y a l'air d'avoir moins de gens que d'habitude. Un peu étrange, ou peut-être pas spécialement surprenant, étant donné... L'ère dans laquelle nous entrons, sûrement que la plupart des gens qui s'amusaient ici la plupart du temps sont maintenant en train de se préparer aux jours qui viennent. Vous entrez. Le barman, comme d'habitude, cette espèce de colosse soviétique, vous regarde juste du coin de l'œil, fait un signe de nouveau à son assistant éternel qui va ouvrir la porte pour vous. Et vous laissez rentrer directement pour aller à l'arrière du bar. Petite question, néanmoins, avant du coup. Marco, il va jeter un petit coup d'œil rapide dans la salle. Est-ce que par hasard, les quelques sauvages, personnes issues d'un pays très respectable, la dernière fois, un seul d'entre eux est présent dans la salle D'accord. Eh bien, en regardant, tu vois que il a l'air d'y en avoir peut-être deux, à la même table que la dernière fois. Mmh. Avant, ils étaient 5, 6, peut-être 8. Là, ils sont que deux, ils ont l'air de discuter pas calmement, mais disons qu'ils s'amusent, ils sont pas en train d'être là pour les affaires ou quoi que ce soit. Ok. Bon, bah, très bien. On va continuer notre chemin, on va suivre. Très bien. Vous continuez votre chemin et vous arrivez juste donc la fameuse pièce qui empeste, comme je le rappelle, le renfermé dans lequel on dirait que tout le monde fume des cigares à longueur de journée, à longueur de nuit. Dans cette pièce, aujourd'hui, il n'y a pas que Milo. Il est entouré de trois autres personnes. Ils sont autour d'une table plus large que d'habitude. Je rappelle qu'habituellement, Milo, il se contente juste d'une espèce de gros tonneau sur lequel il laisse ses papiers et tout ça pour travailler ou pour faire des parties de poker et tout ça. Ici, ils ont mis le tonneau de côté. Ils ont une espèce de table plus grande. Et l'ambiance est plus sérieuse qu'habituellement. Quand vous ouvrez la porte, il lève le regard vers vous. Et Milo a un air un peu satisfait sur son visage. Il dit quelques petites choses à ses amis, a priori en serbe ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si Marco, tu connais le serbe, il y a peu de chance, j'imagine. Quelques notions. Ouais. Bon. Si tu me dis que tu veux essayer, tu peux essayer de me faire un petit jet en. Alors attends, quelles sont les fiches? Un petit jet en connaissance. Ouais, en connaissance. En connaissance. Est-ce que je peux prendre en compte du coup mon élément culturel de l'Est pour passer de très mauvais à mauvais? On peut le prendre en compte. On peut le prendre. Allez, super. On va dire qu'il y a des racines communes. Ce n'est pas seulement. Très proche, oui. Ça va être le même mot pour tuer, massacrer, mais bon, bref. Exactement. Alors là, il n'y a pas que l'histoire. C'est 59. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, a priori, T'as certaines bases dans le serbe, mais il parle un peu trop dans sa propre barbe pour que tu comprennes quoi que ce soit. Et du coup, ses compagnons ne se lèvent pas. Ils détournent juste un peu... Oula, excusez-moi, j'ai tapé dans mon micro. Ils détournent un peu le regard juste pour recommencer à regarder ce qu'ils étaient en train de regarder avant. A priori, une carte de Gotham, plusieurs espèces de papiers ou des trucs comme ça. Vous remarquez aussi qu'il y a une arme à feu sur la table. Juste un espèce de Glock. Et Milo, sans se relever cette fois-ci, il a un peu l'habitude de vous accueillir de manière un peu plus chaleureuse, il vous fait seulement signe de venir vous asseoir. En disant « Venez, venez !» Oui. On va s'asseoir. Il va vous regarder, il va attarder un peu son regard sur toi, Yasmine, en essayant de se remémorer un peu qui tu es, parce que a priori, vous ne l'avez tous vu ensemble qu'au tout début. Depuis, il y avait soit que Marco qui venait, soit accompagné d'autres personnes que toi. Et il dit « Excusez-moi, je ne me souviens pas du nom. » Moi être Marco. Non, Marco, je me souviens de toi. Yasmine. Je vous présente mes amis. J'ai Podzeld ici, Odvos et Volin. Enchanté. Je leur tends la main du coup. Et... Donc il te serre la main volontiers. Yasmine, toi de ton côté, tu vas aussi pour leur serrer la main ou... Uniquement s'ils attendent vers moi. Ok. A priori, il n'y en a qu'un seul qui tend la main vers toi. C'est qu'instinctivement, dès qu'il a fini de serrer la main de Marco, il se tourne vers toi et il y va. C'est Volin. Je lui serre la main de manière très sincère, pour le coup. Mm-hmm. Et les autres, eux, a priori, bon, ils ont plus l'air de te considérer peut-être instinctivement comme une secrétaire de Marco, plus comme ça. Ils sont peut-être pas au courant. Eux, ils t'ont jamais rencontré. Et Milo, donc, dit... On peut discuter avec mes amis, ils sont de confiance. Mais sachez que vous pouvez aussi discuter avec Camille. Yasmine, elle est de confiance aussi. Il y en a les deux qui n'ont pas serré la main, qui hochent la tête un peu, mais sans vraiment exprimer quoi que ce soit d'autre. Du coup, Milo... te regardera dans les yeux, Marco, et te dit « Alors, tu as des nouvelles pour moi ?» Oui, nous pouvons entériner l'accord que nous espérions le plus, tous les deux. Je quitte Orlalibi avec les hommes d'avocat et de quoi les équiper. Et la partie du quartier que vous vouliez. Donc, il a l'air un peu pensif, tandis que de son côté, Ovolt, il vous regarde un peu, il dit « C'est dommage, ça nous aurait été utile d'avoir tout le quartier avec nous. » C'est dommage, mais malheureusement, les engagements du Harolibi sont clairs, nets et précis. Nous sommes une zone neutre qui ne s'engage pas dans ce genre de choses. De fait, la décision de Marco a été prise et nous faisons du coup route à part sur cette question-là. De toute façon, sans les hommes d'avocat, Orlalibi reste des biboissons, une place neutre, pas grand-chose d'autre. Soyons honnêtes, c'est les hommes qui font la différence. Ils sont là et ils sont armés. Pas besoin d'aucune dépense. Je crois que Ovolt a l'air de penser un peu à ce que tu dis, et il se tourne vers toi, Yasmine, et il dit « Donc vous êtes juste un bar ?» On est un bar et un petit quartier qui vise à essayer d'instaurer une véritable zone neutre, pour le coup, à Gotham. une zone où les gens comme vous et nous pouvons commercer, pouvons faire tout sortes de choses, mais effectivement, pour le moment, nous sommes juste un bar. Prend un petit sourire un peu narquois. Et il se dit, c'est étrange pour un bar neutre de vouloir du territoire. Qu'est-ce que vous allez en faire s'il est neutre? Ce qui on est déjà en train d'en faire, un rendez-vous dans nos rues, et regardez à quel point nos rues sont propres, qu'on a viré tout ce qui vend de la mauvaise qualité, et à quel point on peut s'assurer. Donc il y a peut-être une zone, quelque part à Gotham, où quand les choses ont explosé, parce que je ne sais pas si vous avez le nez plutôt affûté, mais moi j'ai quand même l'impression d'être parlé à des gens plutôt intelligents, on sait un peu que l'atmosphère est tendue, et de fait, lorsque les choses sont peut-être un peu compliquées, peut-être vous serez heureux de savoir qu'il y a quelque part dans Gotham un lieu où vous pourrez vous rencontrer sans avoir un risque de vous faire tirer dessus à la moindre occasion. Comme Voka, vous voulez dire? Comme Voka, oui. Malheureusement. Oui. Le pauvre. On n'a pas encore tout à fait installé notre influence, mais croyez-moi qu'on est en train de régler ça. Vous voyez qu'il n'a pas l'air spécialement satisfait de cette discussion. Vous ne savez pas trop quoi en dire, mais vous avez l'impression que... Il a la sensation que vous tournez autour du pot, que vous ne voulez pas dire quelque chose. En tout cas, ça ne le satisfait pas. Ça ne le satisfait pas, mais il n'en dit pas plus. Il tourne de la tête vers Milo pour que Milo reprenne la parole. Ce qu'il fait promptement. Alors, tu auras la petite bande irlandaise. Très bien. Pour le bien de notre petite suite d'opérations, tu vas devoir te charger des premiers assauts pour cette bande. La priorité des nôtres sera avant tout de soumettre les Ukrainiens. Ne pas se faire prendre en cisaille. Justement. N'est-ce qu'il ne serait pas plus stratégique? Je sais bien que la place fait que ça devrait être moi qui m'occupe de Irlandais. Néanmoins, vous savez que ma bande est composée des anciens hommes de Voka. Soyons honnêtes. Si jamais je participe à l'assaut sur le quartier ukrainien, j'ai les hommes qui connaissent le terrain et qui savent sans doute exactement comment on peut faire pour avoir le moins commun de possible et prendre le quartier le plus facilement possible. Fais-moi, s'il te plaît, un petit jet de pouvoir. Est-ce que négociation rentre en compte pour le coup, je dirais non, parce que c'est okay. Pour un non. Ok. Ah ouais, là c'est vraiment plus une demande quoi, c'est pas... 39. Ok. Tu vois que Milo, fidèle à ses habitudes, donc se remet un peu pensif, il met ses doigts dans sa barbe. Barbe, je rappelle, un peu épaisse avec des nœuds et ce genre de choses. Il joue avec un nœud a priori. Et il dit... Le problème, Marco... Et c'est normal que tu ne saches pas, tu n'es pas là depuis si longtemps que ça. Le quartier des Ukrainiens, on y était aussi avant. Avant, on travaillait tous ensemble quand c'était... l'autre blondasse qui contrôlait. Blondasse avant, l'autre blonde, oui, avant même Voka. D'accord. Une autre époque. On connaît le quartier, on connaît tous le quartier. Et nous avons des amis chez les Ukrainiens, nous avons... Je ne pense pas que les hommes de Voka soient forcément plus avancés que les nôtres. Très bien. Mais quel est votre plan, concrètement? Notre plan? Tu vois qu'il regarde vers Yasmine et il dit « Si on doit en parler, pourquoi les Suisses restent là ?» Ça te reverrait. Oui, moi, j'étais juste venu affirmer la position du Haor Libye, que le reste ne me regarde plus. Eh bien, peut-être pouvons-nous le laisser ici, Yasmine? Avec plaisir. Plaisir d'avoir fait affaire avec toi, Yasmine. Tout de même, Marco. Allez, bon vent. Très bien. Donc du coup, Yasmine, tu quittes la pièce et tu attends Marco dehors ou un truc comme ça, ou juste tu reprends ton chemin? Ouais, je vais rentrer. Okay. Très bien. Donc tu reprends ton chemin. De ton côté, du coup, Marco, Milo reprend la discussion dès que la porte est fermée. Notre plan est assez simple, en tout cas pour ce que tu as besoin de savoir pour le moment. Comme je te l'ai dit, nous avons des amis ukrainiens, nous avons beaucoup d'amis ukrainiens, que ce soit parmi les hommes de main et certains bien placés. En faisant pression, en avançant comme il faut, il y a moyen de secouer leur petite cage et nous pourrons donner l'opportunité à nos amis de faire pression de l'intérieur et de rallier les Ukrainiens sans trop verser de sang. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Je vais penser même plan. Enfin, même genre de plan. Pour ce qui est des Irlandais, évidemment, c'est plus compliqué. On s'est jamais spécialement bien entendu avec avec cela. Alors il sera pas question de leur faire pression pour qu'ils se plient. Il va être question de les virer clairement de la petite bande que nous réclamons et de les faire reculer assez solidement pour que les quelques Ukrainiens qui seront opposés à se plier à nous ne prennent pas espoir dans l'idée de nous prendre en cisaille. Très bien. Je sais que ce n'est pas rien ce que je te propose, Marco. Ce que je te propose, c'est de revivre la même chose qu'au pays. Ça va être des affrontements ouverts pour toi. Mais tu sais, c'est peut-être ça le pire, j'ai envie de te dire, Milo. Tu sais, quelque part, ça me manque. Ça manque à certains, en effet. Vous voyez que... Enfin, tu vois que Obelt, celui qui n'avait pas parlé, il te regarde un peu, Marco, et il dit... Vos amis, là, du Hour Alibi, ils veulent être absolument neutres ou... Ou est-ce qu'ils ressemblent... Ou est-ce qu'ils sont ouverts, disons, à... laisser passer des hommes sur le territoire pour contourner certains quartiers, ce genre de choses. Est-ce que vous avez encore de l'influence sur eux maintenant que vous en êtes sorti? Oui. Je dois dire que ça n'a pas été facile pour, comment dire, parce que c'est sûr que les hommes de Voka permettaient de prendre contrôle du quartier. Mais maintenant, concrètement, si jamais nous devions passer sur le territoire du Haribi, personne ne serait vraiment là pour le défendre. Alors même s'ils veulent continuer à garder cet aspect neutre et tout, ils peuvent utiliser l'excuse de tout simplement plus homme pour le défendre. Donc, que voulez-vous? Même s'ils n'étaient pas d'accord, ce qui, je pense, pas leur cas, hein, je le dis, hein. Ils sont sympathiques à notre cause, mais ils veulent pas s'impliquer ouvertement. Ou bien nous pourrions passer, bien sûr, des hommes sans souci. Très bien. Il faudra qu'ils comprennent, un jour ou l'autre, qu'on la neutralité ne réussit pas. Les Suisses prenaient l'or des nazis et la Finlande, et ce genre de choses, on sait bien de quel côté ils se sont tournés, à une certaine époque. Mais oui. Ça ne leur réussira pas plus. Mais eux ne comprennent pas que le jour où nous entourons en tour quartier, ça sert peu à rien d'être neutre. Mais bon. Je pense qu'ils comprendront un jour. Ils devront comprendre rapidement. Milo reprend la parole de son côté. Et il tend la main vers toi, Marco, et il dit « Très bien, une fois cela fait, nous pourrons entériner l'entrée de ta toute nouvelle organisation parmi nous. » Et de mes hommes. Et de tes hommes. Eh bien, je crois que nous avons un marché. Nous avons un marché, dit-il en allant pour te serrer la main. Eh bien, je tends la main aussi. Tes hommes arriveront bien vite, Marco. Il y en a beaucoup qui ont pris la mer assez récemment en essayant d'échapper aux tribunaux qui ont été lancés il n'y a pas si longtemps que ça. Mais tu vois, c'est ça, pour ça que moi ça manque. Si jamais nous n'avions pas une bande de traîtres à la tête de notre pays, je t'assure que nous aurions gagné. Et que aujourd'hui, Yougovia s'étendrait sur tout son territoire légitime. Mais bref, il a fallu qu'une bande de technocrates et d'incompétents prennent pouvoir. Mais je te promets que je vais faire en sorte de venger cet affront. Crois-moi. Ici. Je te crois. Très bien. Si cela ne te gêne pas trop, j'ai encore des spécificités à régler avec mes amis. Pas de problème. Sache seulement que il y a des chances pour que The Whale s'agite quand nous commencerons à lancer les assauts. Évidemment, c'est chez lui qu'on grignote. Et il n'entrera pas en guerre contre nous, pas frontalement. Je pense qu'il tentera d'y mettre fin le plus rapidement possible pour que Black Mask n'essaye pas d'en profiter lui-même. Attends-toi à recevoir une invitation, peut-être, de cette baleine blanche, auquel nous serons sûrement conviés nous aussi. Il faudra faire valoir notre pouvoir, non seulement par les armes, mais aussi par la parole, une fois qu'on sera face à lui. Très bien. Et du coup, il te montre la sortie de la pièce. Au revoir. Au revoir, Marco, à bientôt. Tu quittes donc les lieux. Et je vais me tourner vers mes autres petits criminels, Jean-Baptiste, Pi et Ruby. Et je vais vous demander ce que vous souhaitiez faire pendant que Marco naviguer les eaux troubles des gangs slaves. Bah perso, moi j'étais parti, alors si les autres veulent bien, hein, mais mettre un peu en place le futur casse de Diamond Exchange et de se retrouver dans la Batcave du Harley B pour mettre en place Bah oui, notre Batcave à nous, tu vois. Y a pas que Batman qui a une Batcave. Du coup, c'est la Arolibi Cave, si tu préfères. Pour bah, du coup mettre en place, commencer les poser les premières pierres de ce plan machiavélique et stratégique pour arriver à faire ce casse du Diamond Exchange. Moi j'aimais bien l'idée de se faire passer pour des gardes dont tu avais communiqué de prendre leur place. Est-ce qu'on sait, vu que la sécurité informatique a l'air relativement élevée, qu'on avait noté les noms du coup de God Corp et de God Software, est-ce qu'on sait si de ton côté JB t'es capable de te mesurer à eux, ou si pour toi seul, avec le temps qu'on a, c'est trop compliqué? Ça dépendra de ses dépipés. Cela dépendra en effet des dépipés. Non, en réalité... craquer le pentagone. Jean-Baptiste, je vais te demander, s'il te plaît, un petit jet en connaissance avec tes bonus d'informatique et de hacking. Pour, en gros, voir... on va dire qu'on va décider rétroactivement de si t'as déjà eu des aventures avec ces entreprises-là. Et si tu connais un peu, du moins, certaines des... Le 17. Ok, c'était les dépipés. Donc... Non, c'est pas les roses. C'est pas les roses, c'est les verts que t'avais utilisé la dernière fois. Ok, tu vas racheter de nouveaux dés pour moi, c'est pas ça. Non, le mec était en confiance, tu sais. Alors, Jean-Baptiste, je vais te dire... Tu décideras de comment tu veux le traduire à tes amis, mais je vais te décrire un peu ce que tu as déjà connu. Tu as déjà eu affaire un peu à des logiciels, à des systèmes de sécurité, ce genre de choses qui avaient été faits par God Corp et Ghost Software, qui sont un peu la même entreprise, si ce n'est que God Corp, c'est on va dire le siège social de l'entreprise, et Ghost Software, c'est leur branche spécialisée dans tout ça. Mmh. Tu as déjà eu des affaires avec eux, tu as déjà eu à régler quelques petites choses, notamment pour les triades et tout ça, tes anciens compagnons d'affaires avant que tu ne rejoignes le Hour Alibi. Ouais. Tu sais qu'ils sont... Bah, c'est la pointe de la technologie informatique, en fait, à Gotham. Même Wayne Enterprise, en fait, passe par eux pour essayer de se faire certaines choses qu'ensuite ils personnalisent ou non, en fonction de... Voilà. Ce sont certains des plus grands pros dans le monde occidental. Et ça a été souvent compliqué. Après, c'était il y a un petit moment... Certaines fois, t'as réussi, certaines fois, t'as raté. Tu sais que là, t'es face à un adversaire de taille, on va dire. Voilà, je te dis, tu décides de comment tu décris ça à tes amis. Vous voulez le truc plus compliqué ou le truc simple, les gars? Parce que moi... Et simple, hein. Ça ira plus vite. D'accord. Vous voyez les GAFA? Ben, c'est la même chose. Voilà. Donc ça veut dire qu'on s'attaque à du gros poisson, quoi. Oui. Niveau sécurité. Ok, mais est-ce que toi, tu es capable de jouer avec ces gros poissons ou pas? J'ai déjà fait avec les triades. On a réussi et on a échoué plusieurs d'autres choses. Donc en gros, c'est... Si tu devais nous donner un pourcentage de réussite, tu mettrais la barre à combien? C'est assez important. Il y a 40% de réussite et 60% où t'as le FBI qui débarque ou les services secrets. C'est généralement c'est les services secrets qui débarquent parce que. Ah ouais, donc ça reste quand même 40% de possibilité, 60% de se planter. Donc on a plus de chances de se planter qu'il réussit. Je te parle de mon expérience avec les triades. Je te rappelle que les triades travaillent pour le gouvernement chinois ici. Donc. C'est normal qu'il y ait eu des services secrets, mais là, peut-être que c'est le FBI qui viendra. Oui. Non, mais de dont te parle, je te parle ni des triades, ni... voilà, je te parle juste de ton potentiel à péter le truc. Tu me dis, on a 60% de chances de se faire péter. Je parle de moi, c'est 50-50. Ah, mais c'est vraiment avec 50-50. Toi, c'est 50-50. D'accord. Ouais. Bon, est-ce que dans ce cas-là... On ferait pas un coup un peu ultime de faire une diversion de malade? un truc qu'occuperait toutes les polices de Gotham, tout le GCPD pendant un moment. Et on en profiterait pour... Mais il faudra que genre, par exemple, on fait exploser plusieurs ponts. Et t'es malade. Et on dit qu'on va faire, non mais on dit qu'on va faire sauter le quartier ou ce genre de truc, ça arrive tous les deux jours à Gotham. Et pour faire évacuer ce dernier. 4 jours. Et on en profite pour cambrioler la bijouterie. Alors c'est pas une bijouterie. C'est oui, la Diamond. Alors l'idée de faire une diversion. Ça, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Par contre, il est vrai que pour que la diversion fonctionne, il faut qu'elle soit quand même assez grosse. Donc, honnêtement, faire vraiment péter un truc, ça peut être intéressant. Maintenant, quoi ? Une école ? Non. Faut pas déconner non plus. Faut trouver un truc sans importance que personne regrettera. Voilà. Le commissariat. Je peux faire un truc pour vous, mais il faudra que je retourne à mon ancien appartement. Non, mais tu vraiment quoi? On fout une bombe au commissariat. Attends, non. Si, il y a peut-être un truc. Oh. C'est, ça peut être tendu, mais si ça marche, ça peut faire très mal. Moi, j'ai une autre idée, mais vas-y, donne la tienne. J'ai encore dit la mienne. Quoi ? J'ai pas encore donné la mienne. Oui, justement, vas-y. Avec les compétences de notre très cher ami JB, parce que je mets la barre très haut pour toi, et j'espère que tu es capable de le faire, ce serait... Dérailler un train ? Tout simplement de faire sauter les plombs de la ville entière. Non, mais ça, c'est dans les cordes de... Un blackout total de Gotham. Ce qui va foutre un bordel monstrueux dans tous les services de sécurité, les pompiers, les hôpitaux, tout ça, ça va être monstrueux. Le temps qu'ils se mettent d'accord, nous déjà, ça va nous aider aussi parce que toutes les lumières vont être éteintes, tous les gens qui seront dans notre périmètre seront plongés dans le noir le plus total, ce qui va nous permettre, nous, de pouvoir travailler, on va dire... pendant un temps plus ou moins long. Je ne sais pas pendant combien de temps tu peux faire sauter les plombs de la ville, mais au moins ça va nous permettre d'avoir une tranche de boulot. Et ensuite, voilà. J'ai une autre idée à rajouter par-dessus la tienne. J'ai une proposition d'amélioration pour ton idée. Si on est dans les moyens de tout couper, on laisse certains bâtiments allumés, et on diffuse un deepfake du Joker qui dit qu'il s'est évadé de Arkham et que la ville, il va tout détruire. Panique générale. Ah, c'est pas con. Et le deepfake, voilà, on est des criminels modernes, autant faire des trucs qui ont jamais été mis en place. C'est pas con. Moi, perso, mon idée, c'était de faire sauter le manoir Wayne. Non, mais ça, non. Ah, ça fait une diversion. Ce sera trop compliqué. Genre, la sécurité. Que la police arrive. Non, mais je pense que la sécurité du manoir de Wayne est plus importante que celle du Diamond Exchange, si tu vois ce que je veux dire. Non, il paraît qu'il habite seul avec son majordome. Ouais, non, mais ça, c'est ce que tu crois, mais je pense pas. On parle d'un millionnaire alcoolique. C'est un milliardaire déjà. Les gars, je veux bien faire sauter les plombs de la ville, mais rajouter des choses, ça voudrait dire que je dois faire vraiment des choses et pas être ici. Sinon, beaucoup de personnes vont débarquer ici, ça va pas être très joli. Non, mais après, on peut faire des cellules. On peut faire des cellules. Il y a une équipe qui va partir pour faire sauter les plombs dans la centrale électrique la plus proche, qui gère la ville de Gotham. Il n'y a pas des générateurs de secours ? Mais c'est ça qu'il va falloir, voilà. Mais je pense pour toute la ville, il n'y a pas forcément des générateurs de secours pour tous les habitants. En vrai, je sais pas si on peut plonger toute la ville dans le noir, mais on peut s'occuper d'un quartier peut-être. Je veux bien le faire pour vous, mais je ne ferai pas sauter les plombs des hôpitaux. Oh, ça y est, tout de suite. Honnêtement, je pense que les hôpitaux doivent avoir un équipement de secours. Bien sûr, aux hôpitaux, on aura. Pas que la ville qui nous tombera dessus. Ah, je pensais que c'était pour une question de morale, ça. Mais Non, moi, la morale, j'en ai rien à foutre, en fait. Je suis un anarchiste et j'ai envie de faire tout sauter. Donc, la morale, je m'en fous. Mais c'est Mais juste ça que peut être quand quand je même montrerai les photos. une sacrée diversion de faire sauter les plombs de la ville, ce qui nous permettrait à nous aussi de pouvoir nous donner une petite latitude et nous plonger dans le noir, ce qui ferait que même les habitations qui sont dans notre secteur seraient plongées dans le noir, donc potentiellement on serait moins emmerdés. Voilà, après ça c'est une idée de choses. Maintenant moi ce que je vous avais proposé du coup tout à l'heure, c'était que on chope quelques-uns des agents de sécurité qui bossent sur le site, de préférence les équipes de nuit, qu'on les défonce littéralement, on fasse en sorte qu'ils se fassent agresser, qu'ils se fassent blesser, qu'ils puissent plus bosser. Et que certains d'entre nous, bien sûr, de manière déguisée, hein, qu'on va changer le visage et tout ça, se fassent passer pour des agents de sécurité, se fassent embaucher encore une fois grâce à ton aide, JB, pour que tu les mettes au-dessus de la file avec une fausse identité, bien évidemment, et que eh bien, ils prennent la ronde de nuit. Le soir où. Alors, ça implique forcément qu'il faut qu'ils bossent sur le site pendant plusieurs jours. Ce serait trop bizarre qu'ils soient là que le soir du truc, qu'ils soient là depuis une semaine ou 2 semaines pour que pour qu'il n'y ait pas de suspicion bizarre, voilà, qu'ils fassent ami-ami avec les employés et tout ça. Sauf que le soir du truc, eh bien, ils sont directement sur les lieux. Ils vont pouvoir neutraliser. Les agents, le reste des agents, alors ça peut être somnifère, ça peut être voilà, tu mets un café, tu mets un somnifère dans son café, le gars il plonge, c'est terminé. S'il peut avoir accès à la vigie, à l'endroit où on pose les sécures pour désactiver certaines choses ou faire des brèches où on puisse passer nous. Voilà, en sachant que s'il reste 2 semaines, pendant 2 semaines, ils ont la possibilité vraiment de voir exactement comment fonctionne le système avec tous les agents, pouvoir vraiment être au poil et voir l'envers du décor, chose qu'on ne peut pas voir nous quand on surveille de l'extérieur, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire. Allô? Le coût de l'équipe, je sais pas si. Est-ce que ce serait pas plus mieux limite de tous les choper sur leur trajet? Non, pas forcément sur leur trajet, mais enfin tous les mettre hors d'état de nuire et de tous les remplacer par nos gars à nous, parce que le coût Oh, de. ça ferait super chelou, hein, que tu Mais tu perdes penses qu'il. tous Tu tes penses qu'il peut. employés par Non, blessure tous et les que. gars de sécurité, pas tous les employés. Ouais, mais non, mais que tu perds tous tes agents de sécurité, Mais ils qu'est-ce s'en qui rendraient pas peut. compte. Non, mais, non, mais ils les connaissent quand même, les types, je veux dire. Mais justement, en fait, je pense que. Enfin, j'en sais rien, mais je pense que faire recruter quelqu'un là-dedans, à mon avis, il doit vérifier un minimum. Ben oui, c'est pour ça que je dis JB, lui, va inventer un cursus. Ouais, mais je sais pas si ça marche. Ils vont passer des coups de fil à ces anciennes boîtes, etc. Tu vois, on parle pas de la petite pizzeria du coin, quoi. À mon avis, ça va être plus compliqué que ça de Ouais, faire mais rentrer quelqu'un après, je dedans. pense que c'est quelque chose que tu peux inventer. Je veux dire, regarde Marco, il est bien devenu quelqu'un d'autre. Ouais, mais là, on parle quand même de. Je veux dire, évidemment, ils s'attendent à ce cas de figure, évidemment, qu'ils vérifient les. Je sais pas. Surtout si Moi c'est des après, diamants qui sont assez coûteux, je pense que le meilleur système de sécurité, c'est qu'ils recrutent à la tête et qu'ils fassent pas un informatisé. Et qu'ils connaissent par cœur les gens et qu'ils les connaissent et qu'ils les côtoient depuis longtemps. Ou alors j'ai un autre truc à proposer. Peut-être, je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez. Il y a bien des convois qui doivent faire l'allée et venue. Oui. Normalement, On il se doit y fait en avoir. passer pour un de ces convois Tu veux et acheter on le camion? vide. Tu veux l'acheter où ton camion? Je veux pas qu'on l'achète, je veux qu'on en récupère un. Ah. Est-ce que le truc. En fait, on. Il y a souvent 2 personnes qui les conduisent. On se fait passer pour ces 2 personnes-là. Eux, on les chope sur leur trajet. Et lorsqu'on débarque à leur place, on récupère tout. Ouais, mais dans ce cas-là, il va falloir faire très attention parce que j'imagine que ce sont des véhicules qui sont balisés. Ils doivent avoir un système d'urgence si jamais ils sont. On va faire un transfert entre ce véhicule et un autre. Mais c'est peut-être plus accessible de s'en prendre directement à eux que de s'en prendre directement. Je sais pas, hein, c'est des idées. Honnêtement, moi, après, je me dis si tu remplaces un voire deux agents de sécurité, ça passera plus facilement que si tu remplaces tous les agents de sécurité d'un coup. Si t'as deux trois, si t'en as deux qui sont voilà, ils se sont blessés de X ou manière de truc, ou genre il y a un accident, percute un des agents pendant qu'il va faire ses courses. La bagnole part en fuite. Le mec il dit voilà, on m'a percuté, j'ai la jambe pétée, je peux plus bosser pendant 2 mois ou 3 mois. Dans ce cas-là, eux sont obligés de faire appel à un agent de remplacement. Et c'est là que un de nous qui sera déguisé avec une fausse identité vient et avec du hacking, ce que je peux faire JB quand même, c'est son taf. Lui invente un dossier et une vie quoi dans ce milieu-là pour qu'il se fasse embaucher. Voilà. Ça peut être faisable ça, mais comme elle dit, Ruby a la raison. S'il vérifie tout de A à Z, on va devoir jouer le rôle de l'entreprise. De toute façon. On est sur un plan qui va être ardu, compliqué. Il va falloir qu'on prenne des risques. Si on ne prend pas de risques, on n'aura pas d'argent. Donc à un moment donné, il va falloir forcément qu'on fasse des choses compliquées. Mais si ça marche, c'est tout bénef pour nous. Donc c'est sûr que là, pour beaucoup de choses, ça va tourner autour de toi, JB, parce que le système de sécurité, tout est informatisé. Voilà, tu nous as dit que tu as déjà bossé contre ces boîtes-là auparavant. Donc, quelque part, j'imagine que tu as la possibilité quand même d'inventer une identité, d'inventer une personne qui va avoir une expérience, qui va avoir machin ceci, et qui va se pointer avec un CV. Je peux pas m'en accorder. Voilà, après tu peux... Après, là, tu peux dire que tu t'es pas de Gotham, tu viens d'arriver, t'as entendu parler de ça, t'as bossé dans d'autres pays des États-Unis, dans des trucs de sécurité, et le jour où tu donnes un numéro de téléphone, et les gens qui vont appeler, ce sera nous. Si jamais ils appellent pour démarcher, savoir qu'est-ce que vous avez pensé de lui, ce sera dirigé vers nous. Ça peut se faire. Mais là, depuis tout à l'heure, je fais les calculs, mais tu sais que si on réussit, il y aura forcément des pertes sur beaucoup de choses. Comment ça? Un plan comme ça, qui est élaboré et tout ça, il faut être sûr à 100% qu'on le réussisse. Là, franchement, on peut le réussir, mais il y aura forcément un de nous qui va y passer. Pourquoi? Parce que je pense que... Je viens de discuter, je te rappelle pas quand j'ai montré les photos à mon ami de la triade. Et là. Cette fameuse cave. Si je m'enfermais les portes, la triade, ça veut dire qu'il existe vraiment et que si jamais on commence à faire ça, on risque de pas avoir que la police derrière le dos. Alors, dans ce cas-là, tu veux très attention. Est-ce que tu es venu pour contrôler Gotham ou pas? Moi, oui. Alors, si tu veux contrôler Gotham, je t'annonce un scoop, tu vas l'avoir sur le dos s'il existe. Oui, non, mais ça, oui. Non, mais dans ce cas, tu sais que tu vas devoir jouer avec lui s'il existe vraiment ton bonhomme chauve-souris. Donc, maintenant, soit t'acceptes le jeu. Moi, j'accepte, mais je te rappelle qu'on a failli cambrioler. Il ne sait pas, quand même. Donc, s'il sait qu'il y a quelqu'un qui fait des choses derrière. Donc, oui, peut-être qu'il est déjà à notre recherche. C'est pas forcément qui. Oui, mais dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Et dans ce cas-là, non, on change de ville et on va dans un autre truc. Mais à un moment donné, il faut y aller. Que là, si on fait ça, il faut que tout soit coordonné. Ah, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Et que quand on en parle aux autres, qu'il n'y en ait pas un ou deux qui commencent à nous dire: ah non, on fait pas comme ça, on va faire comme ça. Là, on suit le plan qu'on a dit là. Ah mais sinon, oui. Ça me faut pas mais... au niveau informatique. Je suis pas sûr que le plan qu'on a dit là. Moi encore une fois, j'ai vraiment peur pour ce genre de truc. Je pense pas qu'on puisse inventer quelqu'un de nulle part et le faire rentrer dedans. Je mets une grosse réserve sur ce point. Ce que je peux faire, c'est inventer un truc par rapport à Pi, qu'il a fait de la sécurité et tout ça, qu'il a des diplômes de sécurité. Enfin, il a fait de la prison. Et que... Oui. Non, mais ce sera pas Pi qui va venir, là. Mais moi en fait, moi, on peut pas, je peux pas faire ça. Et là, j'enlève mon masque, enfin, mon truc, et tu vois, en gros, de la chair brûlée, du muscle, j'ai plus de paupières, j'ai la moitié du nez qui n'existe plus, tu vois ma mâchoire, en gros il y a mes dents, il y a plus, tout est brûlé, j'ai une moitié du visage, ce qui est juste, tu as envie de gerber en voyant ça, donc tu dis moi, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a toujours un moyen, dans l'entreprise, il y a toujours une équipe d'incendie. Je peux t'as des diplômes de pompier. Peut-être qu'ils vont te recruter. Non, mais ces équipes-là d'incendie, ils ont accès à tout dans l'entreprise. Oui, mais ce sera pas moi. Je suis trop visible. Quelqu'un qui est défiguré, c'est quelqu'un de qu'on peut reconnaître facilement. Il faut quelqu'un passe-partout, quelqu'un qui peut qui ressemble à tout le monde en fait. Et moi, je ressens clairement pas à tout le monde. Quand je mets des manches longues et que je cache les tatouages, du coup, j'imagine que ça tomberait sur moi. Honnêtement, je pense que Ruby, tu es la personne. Dans le cas présent, au départ, j'aurais dit JB. JB, c'est vraiment voilà le monsieur tout le monde. Sauf qu'on a besoin de ses talents derrière un ordinateur. C'est toi. Ah, puis je me suis mis au sport et on a eu le temps de faire quelques bagarres, alors peut-être que ça devrait jouer sur ce point de vue-là. Mais bon, pareil, si jamais il retrace mon appartenance à Arkham, ça va être compliqué. Après, on peut voir autre chose. J'ai toujours mon ancien appartement. Si vous voulez, ce que je peux faire, c'est je peux reprendre mon ancien appartement que j'ai toujours. Et bon, c'est à Chinatown, donc faudra y aller. Et je peux me faire passer pour un agent de sécurité. Alors, sinon, j'ai autre chose. Qui sera moins compliqué à gage, à machin, mais après, il faut du matos. Est-ce que je sais pas si ça se fait dans les films, parce que c'est un truc que j'ai vu dans les films maintenant, je sais pas si ça peut se faire en vrai, c'est faire un visage. On cherche une gonzesse dans une des équipes, et on reproduit son visage et tu te mets son visage sur la tronche. T'as trop regardé Mission Impossible. Bah j'en sais rien moi, je te parle de films, je sais pas si ça existe en vrai. Ou alors sinon, on gonfle des ballons, on les accroche au bâtiment et on décolle. Non, en plus sérieusement, non. Après il y a des choses qu'on pourra travailler là-dessus, je pense un peu plus longuement. Moi, je pense que je peux passer pour un homme lambda. Après, je pourrais faire avec mes origines. O'Connell, ça vient d'Irlande ou d'Écosse, je crois. Je me rappelle plus de quel côté de la famille. Ah, si tu sais plus d'où tu viens, on est mal barré. Mais on peut faire passer ça comme écossais et que j'ai travaillé en Angleterre. Ou en Irlande, dans un truc de sécurité. Ils pourront pas aller vérifier. Ou ils mettront énormément de temps pour aller vérifier. Ouais, mais pendant ce temps-là, qui c'est qui nous pirate tout? Bah, moi, je peux vous pirater. Je peux pirater depuis mon appartement de Chinatown. Ouais, mais si tu dois être sur les lieux dans le truc Diamond Exchange, comment tu vas pirater? Je piraterai depuis leur ordi, mais avec une clé USB que je peux créer, avec un logiciel qui transmet sur les ordi à Chinatown et qui retransmet sur nos ordi à nous. Ça peut être possible, une chaîne. Mais il faudra piéger l'appartement. Faudra piéger l'appartement qui est à Chinatown. Écoute, ce que faisaient les triades et puis les appartements. Honnêtement, c'est plus simple de faire shut down la ville que tout ce qu'on est en train de dire depuis le début. Après, on y va à l'ancienne, comme on a fait au musée. On passe par les sous-sols, on voit au niveau du matos ce qu'ils ont. On fait un trou et puis ça gaze dans tous les sens. Voilà. Par contre, Ruby, il va falloir que tu nous fasses du matos plus que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent en termes de trucs à gaz, que ça soit vraiment puissant et que ça marche du feu de Dieu tout de suite. Voilà, parce que, bon, a priori, c'est vrai que ça peut être compliqué d'intégrer un agent directement. Donc, il va falloir qu'on fasse une grosse diversion et qu'on rentre à l'arrache, quoi. Je ne sais pas, mais honnêtement, je pense que c'est le coup de rentrer quelqu'un dedans, c'est faisable, mais ça me paraît... Genre, vraiment, on a dû leur faire le coup 10 milliards de fois, je pense que... Je sais pas. Ok, écoute, on va réfléchir là-dessus. Je pense que, de toute façon, c'est quelque chose qui se réfléchit sur plusieurs jours. J'aimerais regarder... voir s'il y a des événements qui ont lieu, qui sont prévus dans la rue du Diamond Exchange. Une parade, un carnaval, un nouvel an chinois, n'importe quoi. On n'est pas Chinatown non plus. Bon, c'est des exemples. Je regarde ces deux événements. Le concours de majorette de Gotham. Ça peut être possible. Vu que la vie est complètement fêlée. C'est quand l'élection de Miss Gotham là, la prochaine. Dans chaque campagne, c'est parti. Miss Gotham, déjà, ce sera pas tout de suite. Ou Halloween, un carnaval, je ne sais pas. Bref, à vous de me dire. Nous sommes actuellement en janvier. C'est bientôt Halloween. Non, c'est bientôt le nouvel an chinois. Peut-être que toute la ville va fêter ça. Non, il n'y a pas de nouvel an chinois à travers tout Gotham. Désolé. Il y a aucun événement. Je sais pas, le tour de Gotham. La dernière fois qu'il y a eu un tour de Gotham, une espèce de folle en voiture a tout démonté. C'est dans la campagne précédente. C'est vrai. Je viens de faire un jet de dés et malheureusement, la chance n'est pas avec vous. Il n'y a pas d'événements particuliers qui sont dans la rue. C'est pas prévu, quoi. C'est pas prévu. Ouais. Après, on peut. Est-ce qu'on peut tout à fait imaginer que ce qu'on est en train de réfléchir là, le plan qu'on est en train de mettre en place, donc nous là, ça met du temps, mais ça, on peut faire un bond genre ça se passe que dans 2 mois quoi, ou dans 3 mois. Il y aura un peu de temps qui passera en effet. Voilà. Je veux juste demander à Yasmine si elle voulait faire quelque chose pendant ce temps. Moi je rentrais à l'Arleby, hein, mais voilà. Visiblement, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer. En vrai, ouais, visiblement, j'ai traîné. La version où t'étais avec Marco est accélérée. T'as fait du shopping, t'es passé au grand mall. Non, j'ai juste marché, mais visiblement, la rue était très très longue. Très longue. Ouais, bah, hein. En fait, t'es rentré à pied, donc ça t'a mis du temps. Les transports sont en grève. C'est pas grave. Hein. De toute façon, hey, Gotham, c'est une grande ville. Arkham. Gotham, c'est une grande ville. Les rues peuvent être très, très, très, très, très longues. Il n'y a pas de soucis. C'est juste perdu.